Le Quaker, regardant arriver John Bell. Le voilà en fureur. Voilà l'homme riche, le spéculateur heureux. Voilà l'égoïste par excellence, le juste selon la loi. John Bell. 20 ouvriers le suivent en silence et s'arrêtent contre la porte. Aux ouvriers avec colère. Non, non, non et non. Vous travaillerez davantage, voilà tout. Un ouvrier à ses camarades. Et vous gagnerez moins, voilà tout. Si je savais qui a répondu cela, je le chasserais sur le champ comme l'autre. Bien dit, John Bell. Tu es beau précisément, comme un monarque au milieu de ses sujets. Comme vous êtes Quaker, je ne vous écoute pas, vous. Mais si je savais lequel de ceux-là vient de parler? Ah, l'homme sans foi que celui qui a dit cette parole. Ne m'avez-vous pas tous vu, compagnons parmi vous? Comment suis-je arrivé au bien-être que l'on me voit? Ai-je acheté tout d'un coup toutes les maisons de Norton avec sa fabrique? Si j'en suis le seul maître à présent, n'ai-je pas donné l'exemple du travail et de l'économie? N'est-ce pas en plaçant les produits de ma journée que j'ai nourri mon année? Me suis-je montré paresseux ou prodigue dans ma conduite? Que chacun agisse ainsi, et il deviendra aussi riche que moi. Les machines diminuent votre salaire, mais elles augmentent le mien. J'en suis très fâché pour vous, mais très content pour moi. Si les machines vous appartenaient, je trouverais très bon que leur production vous appartienne. Mais j'ai acheté les mécaniques avec l'argent que mes bras ont gagné. Faites de même. Soyez laborieux et surtout économes. Rappelez-vous bien ce sage proverbe de nos pères. Gardons bien les sous. Les shillings se gardent de même. Et à présent, qu'on ne me parle plus de Toby. Il est chassé pour toujours. Retirez-vous sans rien dire, parce que le premier qui parlera sera chassé comme lui de la fabrique et n'aura ni pain, ni logement, ni travail dans le village. Les ouvriers sortent.